بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. Ceci dit, frère en Allah Azza wa Jal et sœur en Allah Azza wa Jal, bienvenue à vous qui êtes au centre Al-Furqan à Bruxelles, et bienvenue à nos frères et à nos sœurs qui sont sur les ondes de la radio du site Al-Furqan, du centre Al-Furqan. Que la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre deuxième assise concernant ce sujet, qui est le troisième chapitre dans le livre de Cheikh Khalid Dufairi, dont le titre est « Sulwan al-Salafi inda Kaydi al-Khalafi ». La consolation du Salafi face aux ruses ou au complot du Khalafi. Lors de la première partie de ce chapitre, le blâme de la versatilité et de l'inconstance dans la religion, le Cheikh a montré que l'une des caractéristiques importantes des gens de l'unité et de la Sunna, c'est la constance et la non-versatilité dans la religion. Et il a cité les preuves et paroles des pieux prédisseurs d'Allah alayhim qui blâment la versatilité et l'inconstance dans la religion. Ils nous sont arrêtés lors de la première séance à la parole du Cheikh l'Islam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui a dit « Al-Mudhabdhab », c'est-à-dire l'hésitant, n'est pas constant dans sa religion. Il n'a pas de science et de clairvoyance. Il est tout simplement avec celui qu'il soutient et avec celui dont lequel il voit un intérêt. S'il voit l'intérêt avec les koufars, il se met avec eux. S'il voit l'intérêt avec les musulmans, il se met avec eux. Il n'a pas un bon but. Il n'a pas une aqida ferme et constante. Et ça, c'est la situation des hypocrites, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Fin de citation des paroles du Cheikh l'Islam, Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et frère Allah subhanahu wa ta'ala, il est des choses regrettables que parmi ceux qui ont pris les positions des grands hommes de science de notre époque, qui sont Cheikh Rabi' et Cheikh Ubaid, Cheikh Abdallah, Havidahum Allah Ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve dans cette fitna de la Sa'faqa, que certains jeunes vont s'asseoir quand même avec des Musa'fiqa. Et ceci est très dangereux pour la personne. C'est une source pour attraper des grandes ambiguïtés, et c'est une source pour tomber dans la situation du Mudabdabin, ceux qui sont dans le doute et dans l'hésitation. Je me rappelle, une fois, j'avais posé la question à Cheikh Ubaid, Hafidhahullah Ta'ala, concernant une personne qui s'assoit avec les salafis. Et en même temps, il va avec ceux qui sont en divergence avec les salafis. Il m'a répondu, Hafidhahullah Ta'ala, cette personne, c'est comme quelqu'un qui a mis sa tête entre deux ondes de radio. Imaginez un petit peu, quelqu'un qui a la BBC dans l'oreille droite et France Inter dans l'oreille gauche, qu'est-ce que ça peut faire? Des perturbations. Et je vous rappelle une parole que nous avons vue lors de la première séance de l'imam Ibn Ishaq, Abu Abdillah Ibn Mendeh al-Asbahani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde, dont Tabaqat al-Hanabila, hein? Il a dit, rahimahullah ta'ala, « Tuftu al-Sharqa wal-Gharba marratayn » فلم أتقرب إلى كل مذبذب ولم أسمع من المبتدعين حديثا واحدا. Il a dit, j'ai sillonné l'Est et l'Ouest deux fois. Pourquoi il a sillonné l'Est et l'Ouest? Pour la recherche de la science. Et il a dit, j'ai sillonné l'Est et l'Ouest deux fois et je ne me suis pas rapproché d'un hésitant, d'un mudabdab. Et je n'ai pas entendu un hadith, un seul hadith d'un innovateur. Vous imaginez un petit peu? Hein? Donc nous devons faire très attention à notre religion. La sécurité dans la religion n'a pas d'égal, frère en Allah subhanahu wa ta'ala et sœur en Allah subhanahu wa ta'ala. Faites attention à votre religion. Faites attention à qui vous prenez vos informations, etc. Et ceci La situation devient encore plus dangereuse quand la personne erre entre deux tendances, une qui est la voie du pur prédécesseur d'Allah Alim et l'autre qui est la divergence avec, et en même temps il se permet de propager des choses qui sont en divergence avec les grands hommes de science. Et ceci est très dangereux pour la personne elle-même, parce que demain il va se retrouver avec un fardeau qui est très lourd sur son dos. Maintenant, je reviens à là où on était dans le livre et dans ce chapitre, le blâme de la versatilité et de l'inconstance dans la religion. وقفنا عند قوله وقال القحطاني رحمه الله ولا تمشدا وجهين بين الورى شر البرية من له وجهان. Et il a cité, après les paroles d'Ibn Baz rahmatullah alayh, il a cité ici un poème dans le Qahtani, dans Nounia. Nounia, il y a Ta'iya, il y a Nounia. Pourquoi Nounia? Parce que la fin de chaque verbe en arabe se termine avec Noun. Et quand c'est Ta'iya, c'est la fin de chaque verbe, va se terminer avec Ta et ainsi de suite, avec le T et ainsi de suite. D'où le nom de Nounia, l'Al-Qahtani, rahimahullah. Donc, voici le sens de ce poème qui a été cité. Il a dit, rahimahullah, dans ce poème, ne circule pas entre les gens avec une double face, car le double face fait partie des pires créatures. Wa qala al-imam al-hafidh Abu Tahir Ahmad ibn Muhammad Silafi al-Salafi fala tashab siwa al-sunni dinan لتحمد ما نصحتك في المآل وجانب كل مبتدع تراه فما إن عندهم غير المحال ودع آراء أهل الزيغ رأسا ولا تغرر حذلقة الرذال فليس يدوم للبدعي رأي ومن أين المقر لذي ارتحال يوافى حائرا في كل حال وقد خلى طريق الاعتدال ويترك دائبا رأيا لرأي ومنه كذا سريع الانتقال وعمدة ما يدين به سفاها فأحداث من أبواب الجدال. Il a cité, Cheikh Khalid a cité aussi dans ce passage les paroles de l'imam al-Hafid Abu Tahir ibn Muhammad Silafi al-Salafi, rapporté par l'imam Dahabi rahimahullah dans Siyar al-A'lam al-Nubala. Ici il rapporte sept vers d'une poésie de ce grand imam, qui dit dans le sens approximatif de cette poésie, ne prends comme compagnon qu'un sunni, pour que tu loues les résultats des conseils que je t'ai prodigués, et évite tout innovateur que tu vois, car ils n'ont que des absurdités, et délaisse l'opinion des gens de la déviance, il ne te fait pas avoir par leurs éloquences. L'innovateur n'est pas constant sur un avis. D'où il peut avoir la constance, celui qui est habitué de changer d'avis dans toute situation. Il est hésitant car il a délaissé la voie du juste milieu. Il versatilise très vite d'une opinion à une autre et la base de sa religion des innovations et de la polémique. Il continue à citer les paroles de nos pieux prédécesseurs d'Allah Alim concernant cette situation, concernant ce blâme et cette situation qui est très dangereuse, qui est la versatilité dans la religion et l'inconstance dans la religion. يقول حفظه الله وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية جملة من أقوال مشاهير أهل الكلام في اعترافهم بالحيرة بسبب بعدهم عن طريق الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة فقال رحمه الله فقد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المتكلمين تارة كما يفعله غير واحد مثل أبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي والرازي وغيرهم، ولازم المذهب الذي ينصرونه طارة أنه هو المعتمد، فلا يثبتون على دين واحد وتغلب عليهم الشكوك، وهذا عادة الله في من أعرض عن الكتاب والسنة. Et là, il cite des paroles qu'a compilé Cheikh l'Islam dans le Mjmou', dans le recueil de ses fatawa, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a cité certaines paroles des gens les plus réputés, parmi les gens les plus réputés de la scolastique. La scolastique, qui est ilm al-kalam, c'est un mélange, c'est une mixture entre la philosophie et la théologie chrétienne. Et donc, Cheikh l'Islam a cité certaines paroles des gens les plus réputés de la scolastique, où ils reconnaissent qu'ils étaient dans le doute et l'hésitation à cause de leur éloignement de la voie du livre et de la sunna, et à cause de leur éloignement de la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim de cette communauté. Il a dit, rahimahullah, c'est-à-dire Cheikh l'Islam, les gens de la scolastique vont soutenir une fois les paroles des salafs. Et une fois, ils vont soutenir les paroles des gens de la scolastique, comme l'a fait plus d'un parmi eux, comme Abu al-Ma'ali al-Juwayni, ou Abi Hamid al-Ghazali, al-Razi et d'autres. Et quand il soutient un avis, c'est parce qu'il le considère. Ainsi, ils sont inconstants dans une seule religion, ils sont emportés par les doutes. Et ça, c'est la sunna d'Allah pour tout un chacun qui se détourne du livre et de la sunna. Fin de citation. وقال أيضا رحمه الله قال أبو حامد الغزالي أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. Il a cité, Cheikh l'Islam toujours a cité dans le Mjmou', le volume 4 au niveau de la page 154. Il a dit رحمه الله Abu Hamid al-Ghazali a dit, les gens qui ont le plus de doutes au moment de la mort, ce sont les gens de la scolastique, c'est-à-dire de ilm al-ilm al-kalam, ahl al-kalam. Wa kana min fudala' al-muta'akhirin wa abra'ihim fi al-falsafati wa al-kalam ibn Wasil al-Hamawi كان يقول أستلقي على قفايا وأضع الملحفة على نصف وجهي ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء. ولهذا أنشد الخطابي حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر ومكسور وكل كاسر مكسور. ابن تيمية رحمة الله عليه cité encore dans ce qui est cité ici par Cheikh Khalid رضي الله تعالى. Il a dit aussi, il a cité Abu Abdullah al-Razi. Il a dit qu'Abu Abdullah al-Razi est le plus grand au niveau de l'hésitation et du doute. Et c'est Abu Abdullah al-Razi était le plus grand au niveau de l'hésitation et des doutes et de la perturbation. Mais c'est un exagérateur à ce niveau-là. Il a un engouement pour le doute et l'hésitation. Ce passage, je ne l'ai pas lu en arabe. وَهَذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ فِي هَذَا الْبَابِ بَابِ الْحَيْرَ وَالشَّكِّ وَالْإِضْطِرَابِ لَكِنْ هُوَ مُسْرِفٌ فِي هَذَا الْبَابِ بِحَيْثُ لَهُ نَهْمَةٌ فِي التَّشْكِيكِ دُونَ التَّحْقِيقِ. Donc, Abu Abdullah al-Razi, comme le cite Cheikh l'Islam dans le recueil 4 dans Mjmou' al-Fatawa, il dit d'Abu Abdullah al-Razi, il est le plus grand au niveau de l'hésitation et des doutes et de la perturbation. Mais c'est un exagérateur à ce niveau-là. Il a un engouement dans le doute. يقول وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعهم في الفلسفة والكلام ابن واصل الحموي، كان يقول: أستلقي على قفاي وأضع الملحفة على نصف وجهي ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء. ولهذا أنشد الخطابي: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. إيه Cheikh l'Islam de citer toujours dans le recueil des fatawas, toujours le recueil 4, il dit: le meilleur et le plus méritoire parmi les derniers qui étaient excellents dans la philo et dans la scolastique, Ibn Waṣl al-Hamawi. Ibn Waṣl al-Hamawi disait dans ce qu'on rapporte Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah: je m'allonge sur mon dos et je couvre la moitié de mon visage et je cite les opinions et les preuves des uns et des autres et l'opposition des uns et des autres, c'est-à-dire dans les paroles et les avis des gens de la scolastique, et l'opposition des uns et aux autres, jusqu'au lever de l'aube, et j'arrive pas à trouver le prépondérant dans tout ce que j'ai cité. C'est pour ça que le Khattabi, rahimahullah, a dit ce poème, dont la traduction approximative nous ramène à ceci, dans le sens général nous dit ceci: des preuves qui s'éparpillent comme s'éparpille le verre qui se brise en morceaux. Des preuves qui s'éparpillent. Des preuves qui semblent vraies, mais qui s'éparpillent comme s'éparpille le verre qui se brise en morceaux. يقول شيخ الإسلام: فإذا كانت هذه حال حججهم فأي لغو باطل وحشو يكون أعظم من هذا؟ وكيف يليق بمثل هؤلاء أن ينسبوا إلى الحشو أهل الحديث والسنة الذين هم أعظم الناس علما ويقينا وطمأنينة وسكينة، وهم الذين يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون، وهم بالحق يوقنون لا يشكون ولا يمترون. فأما ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من اليقين والمعرفة والهدى فأمر يجل عن الوصف، ولكن عند عوامهم من اليقين والعلم النافع ما لا يحصل منه شيء لأئمة المتفلسفة المتكلمين، وهذا ظاهر مشهود لكل أحد. إيه شيخ الإسلام Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, toujours dans le recueil numéro 4, vers la page 28 à 29, il dit: c'est ça la situation de leur argumentation, qu'ils fausse redondance qui est la plus grande que celle-ci. Al-Hashou, qui est la redondance, c'est les innovateurs traitent les gens du hadith et de la sunna d'être des gens de la redondance, qui est la répétition superflue et inutile de paroles et de commentaires. Ainsi disent les gens du hadith qui sont des gens qui s'occupent de la redondance, qui font de la redondance. Donc Cheikh l'Islam il dit: c'est ça la situation de leur argumentation, qu'ils fausse redondance qui est plus grande que celle-ci. Comment il s'y est à ceux de la scolastique d'affilier les gens du hadith et de la sunna à la redondance, alors que les gens du hadith ont le plus grand savoir et ont la certitude et la quiétude et l'apaisement. Et c'est eux qui savent qu'ils savent et qu'ils ont la certitude sur la vérité et ils ne doutent pas. Ils savent qu'ils savent et ils ont la certitude sur la vérité et ils ne doutent pas. Et ils n'inventent pas quant à ce qui a été donné aux gens du hadith et à leurs particuliers comme certitude et comme connaissance et comme bonnes orientations, c'est quelque chose qui est au-dessus de la description qu'on lui ferait. Et la masse des gens du hadith ont de la certitude et de la science bénéfique, ce que les imams des philosophes et des gens de la scolastique et les imams des gens de la scolastique n'ont pas. Et ceci est clair, est apparent pour tout un chacun. Fin de citation. وقال كذلك وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت، والحكاية في هذا كثيرة معروفة. هذا أبو الحسن الأشعري نشأ في الاعتزال 40 عاما يناظر عليه، ثم رجع عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. إيه شيخ الإسلام dans ce cas c'était Cheikh Khalid ici. Il a dit aussi, et tu trouveras que la majorité de ceux qui sont en dehors de la voie des salafs parmi les gens de la scolastique et les soufis reconnaissent le faux et la nullité, de leur voix et reconnaissent le vrai et la validité de la voix des gens du hadith. Et ils reconnaissent la validité et la véracité de la voix des gens du hadith et de la sunna, soit au moment de leur mort, soit avant, et les histoires rapportées à ce niveau-là sont réputées, sont nombreuses. Yaqul, voilà Abu al-Hassan al-Ash'ari, il était un grand dans l'i'tizal. Il y a passé 40 ans, il débattait pour l'i'tizal, il défendait l'i'tizal, il faisait prévaloir l'i'tizal. Ah, il est défendu d'une grande force. Et il est revenu à la voix des gens du hadith. Et il a déclaré haut et fort l'égarement du Mu'tazila. Et il leur a fait beaucoup de répliques. Rahmatullahi alayhi. Wa hada Abu Hamid al-Ghazali. Ma'a farti dhaka'ihi wa ta'alluhihi wa ma'rifatihi bil kalami wal falsafa. وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف، وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث وصنف إلجام العوام عن علم الكلام. إيه شيخ الإسلام دي وسي إيه voici أبو حامد الغزالي toujours dans le jumu'a dans le recueil des fatwas du Cheikh l'Islam, dit « Voici Abu Hamid al-Ghazali, malgré sa grande intelligence et sa dévotion et sa connaissance de la scolastique et de la philosophie et son cheminement dans la voie de l'abstinence et de l'éducation du nefs et du soufisme, il s'est arrêté dans ces sujets et il est resté dans le doute et l'hésitation. Et vers la fin de sa vie, il a orienté les gens vers les voies de Ahl al-Kashf. Al-Kashf, c'est ceux à qui on prétend qu'ils connaissent, ils voient ce qui est caché ou voient dans le cœur de leurs disciples. Et après, Abu Hamid al-Ghazali, il est revenu à la voix des gens du hadith et il a écrit son livre « Iljam ul-Awam an ilm al-Kalam » « L'interdiction des gens de la masse de rentrer dans la science de la scolastique. » « Wa kadhalika Abu Abdillah » محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما هل تعلم له سميا ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وكان يتمثل كثيرا نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. إيه شيخ الإسلام toujours dans le مجموع toujours le recueil 4. Il cite, il dit aussi Abu Muhammad Abu Abdillah Muhammad ibn Omar al-Razi. Abu Abdillah Muhammad ibn Omar al-Razi a dit dans son livre Aqsam al-Laddat, les différentes catégories des désirs. Il a dit, j'ai médité les voies de la scolastique et les voies de la philosophie et j'ai vu qu'ils ne guérissent pas le défectueux. Il n'étanche pas la soif de la soifée. Et j'ai trouvé que le chemin le plus proche est le chemin du Coran, je lis dans l'affirmation des attributs d'Allah, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, le clément s'est établi au-dessus du trône. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wa al-'amalu as-salih yarfa'u. Vers lui que se lèvent les bonnes paroles, et c'est lui qui lève vers lui les bonnes œuvres. Et je lis dans la négation, rien ne lui ressemble, laysa kamithlihi shay. Et je lis aussi dans la négation, wa la yuhituna bi'ilmihi. Et ils ne captent pas sa science, et ils ne peuvent pas le cerner, ni savoir tout de lui. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Et aussi je lis, هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا, est-ce que tu lui connais un équivalent? Et puis il a dit, rahimahullah, celui qui a eu la même expérience que moi aura la même connaissance que moi. Et souvent il disait ces trois vers de poésie qui relatent la situation d'hésitation et de doute dans lequel des gens de, dans lequel dans laquelle sont les gens de la scolastique. Et le sens de ces poèmes, la fin des raisons, c'est la suspension. Et beaucoup d'efforts prodigués par les gens de la scolastique, ce n'est que de l'égarement. Et nos âmes sont étrangères dans nos corps, et nous avons gagné. Nous avons tout simplement gagné que du mal dans notre vie. Et nous avons rien gagné de nos longues recherches, sauf que nous avons compilé, ramassé, ils ont dit, ils dirent. Ainsi se termine, la fin des gens de la scolastique, le doute, l'hésitation. وَهَذَا إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ تَرَكَ مَا كَانَ يَنْتَحِلُهُ وَيُقَرِّرُهُ وَاخْتَارَ مَذْهَبَ السَّلَفِ وَكَانَ يَقُولُ يَا أَصْحَابَنَا يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي ما إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت فيما نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل للابن الجويني وها أنا أذا أموت على عقيدة أمي أو قال عقيدة عجائز نيسابور. Et dans ce qui est cité par Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, la situation de Imam al-Haramayn, Ibn al-Juwayni, l'imam des deux mosquées. Imam al-Haramayn, il a délaissé la voie sur laquelle il était. Et la voie qu'il a prouvée et confirmée, et il a choisi la voie des salafs. C'est-à-dire, il a délaissé la voie des gens de la scolastique, et il sait, et il a choisi la voie des salafs. Il disait, rahimahullah, ô compagnons, ne vous occupez pas de la scolastique. Si je savais que la scolastique m'amènerait là où je suis arrivé, jamais j'y serais rentré, et jamais je m'en serais occupé. Et il a dit au moment de sa mort, je me suis aventuré dans le sillon fourré de confusion et j'ai délaissé la voie des gens de l'islam et ses sciences et je suis rentré dans la voie qu'ils m'ont interdit. Et maintenant, si Allah ne me prend pas sous sa clémence, malheur à Ibn al-Juwayni, et me voilà mourir sur la croyance de ma mère, où il a dit sur les croyances des vieilles de Naysabour. Ça veut dire que les vieilles personnes qui sont restées sur leur fitra, dans leur aqida, sont mieux que ceux que les gens de la scolastique et qui ont passé des années dans cette science de la scolastique, où ils ont gagné tout simplement, ils ont dit, ils dirent. يقول شيخ الإسلام وكذلك قال أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني أخبر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، وكان ينشد لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. ابن تيمية رحمة الله عليه cite la situation de Shahrastani, Abu Abdillah Muhammad ibn Abdul Karim Shahrastani. Shahrastani a annoncé qu'il a trouvé chez les philosophes et les gens de la scolastique que de l'hésitation et le regret. Il n'a trouvé chez eux que l'hésitation et le regret. Et il disait ces deux vers d'un poème dont le sens nous dit ceci: je me suis baladé entre tous ces instituts, c'est-à-dire les instituts de la scolastique et de la philosophie. Je me suis baladé entre tous ces instituts et j'ai tourné dans tous ces coins. Je n'ai vu que des gens posant la main du douteur sur leur menton et écrasant les dents du regret, et écrasant les dents par regret. وابن الفارط من متأخري الاتحادية صاحب القصيدة التائية المعروفة بنظم السلوك، قد نظم فيها الاتحاد نظما رائقا لفظي، فهو أخبة من لحم خنزير في صينية من ذهب، وما أحسن تسميتها بنظم الشكوك، الله أعلم بها وبما اشتملت عليه، وقد نفقت كثيرا وبالغ أهل العصر في تحسينها والاعتداد بما فيها من الاتحاد. لما حضرت الوفاة أنشد: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ضفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاط أحلامي. ابن تيمية رحمة الله عليه cite la situation d'Ibn al-Farit. Ibn al-Farit l'un parmi les derniers qui ont la aqida de l'ittihadiyya. C'est quoi la aqida de l'ittihad? C'est-à-dire le fait de croire que la créature et le créateur, c'est une seule chose. L'unicité de l'existence, c'est-à-dire la créature et le créateur ne sont qu'une seule chose. Donc ce Ibn al-Farit est l'auteur d'une poésie appelée Ta'iyya, qui est connue sous le nom de la poésie du comportement. Et il a perfectionné dans cette poésie cette aqida de l'ittihad. Alors que cette aqida, il est pire que la chair du porc servie dans un plateau. Pire que la chair du porc servie dans un plateau d'or. Et Cheikh l'Islam de dire, il convient d'appeler cette poésie la poésie du doute. Et il dit, rahmatullah alayh, seul Allah sait ce qu'il contient. Mais cette poésie a été beaucoup propagée et les gens de l'époque ont exagéré dans leurs éloges à cette poésie et ils ont pris en considération l'ittihad, cette aqida de mécréance. Ils ont pris en considération l'ittihad que contenait cette poésie. Et quand la mort est venue prendre Ibn al-Farid, il a dit cette poésie. Dans le sens dit ceci: si j'ai une place dans votre amour, j'ai perdu mes jours dans un souhait que j'ai eu, et aujourd'hui je sais que ce n'était que de futiles rêves. Que de futiles rêves sans aucun sens. Allah al-Musta'an. وهنا أبيات جميلة للعلامة الصنعاني يرد بها على أبيات الشهرستاني السابق ذكرها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ذكرها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه في كل ومن لاقاه من كل عالم فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن ناذم. Et donc ici, un poème de l'érudit Sanani qui réplique à cette poésie de Shahrastani que Cheikh l'Islam a cité. Et donc cette poésie de Sanani est citée dans l'un des livres, dans la marge d'un des livres du Cheikh l'Islam Ta'arud l'Aql wa l'Naql, qui est authentifié par Dr Mohamed Rachad Salim, qui est un contemporain. Donc il n'y a aucun doute que c'est l'authentificateur qui a ramené cette poésie dans laquelle réplique Sanan rahmatullah alayhi al-Shahrustani dans la marge du livre de Cheikh l'Islam, parce que Sanan il est venu bien après l'imam, bien après Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. Donc l'érudit Sanan rahimahullah dit dans cette poésie, et ici une très belle poésie de l'érudit Sanani qui réplique au vers de Shahrastani cité auparavant par Cheikh l'Islam. Sanani a dit, certes tu as négligé, en répliquant à Shahrastani, il lui a dit, certes tu as négligé le passage dans l'institut du messager et de ceux qui l'ont rencontré parmi les savants, il ne sera pas dans le doute celui qui prend la voix de Muhammad alayhi salatu wa salam, et tu ne le verras pas écraser les dents du regret. ومن أبياته في الرد عليه كذلك ما نظمه العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ بقوله يوسي برمي يقول أظنك أهملت الطواف بمعهد لخير الهداة المرسلين الأكارم وطوفت في عمياء باد ضلالها بناها ذو الإشراك من كل ظالم فلاسفة لا يعرفون إلههم ومعبودهم فاعجب لهذه العظائم فلو كنت أكثرت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم لما كنت حيرانا كمن تبع الخطأ مع الجهل بالتنزيل مثل البهائم فما ظل من يمشي على إثر أحمد ولست تراه قارعا سن نادم. Et voici aussi certains vers de poème avec lequel l'érudit Suleyman ibn Abdillah al-Sheikh réplique al-Shahrastani, rahimahullah. Cheikh Suleyman, dont en bas de son livre, al-Hamawiya, il a mis cette annotation rajoutant, en bas de son livre qu'il a de al-Hamawiya, en rajoutant ces poèmes pour comme réplique à Shahrastani. Et parmi les poèmes qui répliquent à la poésie de Shahrastani, ce qu'a écrit l'érudit Suleyman ibn Abdillah al-Sheikh, comme c'est rapporté dans les marges de son livre Al-Hamawiya, qu'il a écrit au bas de la page avec sa main, en disant, et le sens de cette poésie, nous dit ceci, sens général, je crois que tu as négligé de passer dans l'institut du meilleur des guides parmi les nobles envoyés, et tu as erré dans les ténèbres de l'égarement clair et apparent fondé par tout injuste parmi les associateurs et fondé par des philosophes qui ne connaissent pas leurs adorés. Si tu étais passé par l'institut du messager et ceux qui l'ont rencontré parmi les savants, tu ne serais pas hésitant et douteux comme celui qui suit, comme les bêtes, en étant ignorant de la révélation. Ne sera pas égaré celui qui suit la trace d'Ahmed. Vous voulez dire certainement l'imam Ahmed rahmatullah alayh, et tu ne verras pas écraser les dents de regret. Tu ne verras pas écraser les dents par regret. Et Cheikh l'Islam de citer encore, dans son livre Al-Minhaj, ومن أعاجيب الأمثلة على التلون والتقلب بحسب المصلحة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج عن صبت بن الجوزي يذكر في مصنفاته أنواعا من الغت والسمين ويحتج في أغراضه بأحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة وكان يصنف بحسب مقاصد الناس يصنف للشيعة ما يناسبهم ليعوضوه بذلك ويصنف على مذهب أبي حنيفة لبعض الملوك لينال أغراضه فكانت طريقته الواعظ الذي قيل له ما مذهبك قال في أي مدينة ولهذا يوجد في بعض كتبه ثلب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم رضوان الله عليهم لأجل مداهنة من قصد بذلك من الشيعة. ويوجد في بعضها تعظيم الخلفاء الراشدين وغيرهم. شيخ الإسلام de citer dans son livre Le Minhaj, il dit parmi les exemples de la versatilité et de l'inconstance dans la religion selon l'intérêt ce qui a été cité par Cheikh l'Islam dans le Minhaj. La situation du petit-fils d'Ibn al-Jawzi. Il dit, rahmatullah ala Cheikh l'Islam, dit de ce Ibn al-Jawzi, du petit-fils d'Ibn al-Jawzi, il cite dans ses livres le bien et le mal. Et il argumente pour ses buts personnels avec beaucoup de hadiths faibles et inventés. Il écrivait selon le but et le désir des gens. Il écrivait pour Shia, ce qui leur convient, pour avoir leur compensation. Et il écrivait selon la voie hanafite pour certains rois, pour atteindre des buts personnels. Sa voix était la voix de l'exhortateur à qui a été posée la question suivante. « C'est quoi ta voix ?» Il a répondu donc « Quelle ville ?» C'est pour ça que dans certains de ses livres, on trouve le dénigrement des khalifs bien guidés ainsi que des nobles compagnons que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Tout ça pour aller dans le sens des Shia. Et dans d'autres livres, on y trouve la révérence et le respect des quatre khalifs et des nobles compagnons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Yaqulu وممن تراجع كذلك وعرف مفاسد علم الكلام وما عليها للأهواء من الحيرة العلامة ابن الوزير يقول رحمه الله فإني ما زلت مشغوفا بدرك الحقائق مشغولا بطلب المعارف مؤثرا الطلب لملازمة الأكابر ومطالعة الدفاتر والبحث عن حقائق مذاهب المخالفين والتفتيش عن تلخيص أعذار الغالطين محسنا في ذلك للنية متحيرا فيه لطريق السوية متضرعا إلى الله تضرع مضطر محتار غريق في بحار الأنظار طريح في مهاوي الأفكار قد وبهبت أيام شبابي ولداتي قد وهبت أيام شبابي ولذات وزمان اكتسابي ونشاطي لقدورة علم الكلام والجدال والنظر في مقالات أهل الضلال حتى عرفت صحة قول من قال لقد طفت في تلك المعالم كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم سن أو قارعا سننا سن نادم. Et Cheikh Khalid حفظه الله cite ici aussi Ibn al-Wazir رحمه الله اليماني. Et pas il dit parmi ceux qui sont revenus à la voie des salaf et à la voie de la sunna, qui ont connu le mal de la scolastique et le doute et l'hésitation dans laquelle se trouvent les gens de l'innovation. L'Urid ibn al-Wazir, dans son livre Al-Awasim, il dit, rahmatullah alayhi, j'étais passionné par la connaissance des réalités occupées par la demande des connaissances, préférant la recherche au fait de rester auprès des grands, et préférant la lecture des cahiers et la recherche des réalités dans les voies des divergents, et à rechercher, à résumer les excuses de ceux qui sont dans l'erreur, en ayant une bonne intention, essayant d'être dans la droiture, implorant Allah comme le fait le contraint, qui est noyé dans les océans de réflexion et des doutes, submergé par, il dit qu'il était submergé par le gouffre des pensées, j'ai offert les jours, le printemps de ma vie, et les jours de ma jeunesse, et le temps de l'acquisition, et mon énergie aux angoisses de la scolastique et de la polémique et à la lecture des opinions et des positions des gens de l'égarement jusqu'à ce que je suis arrivé à connaître la vérité de celui qui a dit « Je me suis promené dans tous ces instituts et j'ai traversé toutes ces parties et je n'ai vu que des gens posant les mains d'hésitants et du douteur sur leur menton et écrasant les dents par regret. » وسبب إيثاري لذلك وسلوك تلك المسالك أن أول ما قرع سمعي ورسخ في طبعي وجوب النظر والقول بأن من قلد في الاعتقاد فقد كفر، فاستغرقت في ذلك حدة نظري وباكورة عمري، وما زلت أرى كل فرقة من المتكلمين تداوي أقوالا مريضة وتقوي أجنحة مهيضة، فلم أحصل على طائل وتمثلت بقول القائل كل يداوي سقيما من مقالته فمن لنا بصحيح ما به سقم. Et toujours les paroles de Ibn al-Wazir, cité ici par Cheikh Khalid dans son livre Al-Awasim, Ibn al-Wazir dit, la cause d'avoir suivi ces voies, c'est que la première chose que j'ai entendue qui s'est implantée dans mon tempérament et dans mon esprit, l'obligation de Nazar. Nazar c'est quoi? C'est l'organisation des réflexions, la réflexion qui mène à la connaissance d'Allah et à la foi. Alors que la règle, c'est les hommes de science, c'est d'abord on cherche les preuves et après on croit. Là ici c'est la réflexion avant. Et donc nazar, c'est pour ça que certains de nos plus prédécesseurs d'Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de ce saint miséricorde disaient que fait partie du bonheur du jeûne que Allah subhanahu wa ta'ala mette sur son chemin un homme de la sunna, donc directement il le conduit par la sunna. Un autre a dit fait partie du bonheur du converti, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que il soit dans les mains d'un homme de la sunna qui va directement le diriger sans lui faire perdre de temps sur la voie du salaf radhiyallahu alayhim. Et donc, Ibn al-Wazir disait, la cause d'avoir suivi ces voies, c'est que la première chose que j'ai entendue et qui s'est implantée dans mon esprit, dans mon tempérament, l'obligation, la réflexion qui mène, al-nazar, qui mène à la connaissance d'Allah et à la foi. Et cette parole qui dit aussi, qui s'est ancré dans mon esprit, qui dit, qui imite dans la foi, il a mécru. Et il dit, rahmatullah alayhi, cela a pris toute ma force de réflexion, et le printemps, il a pris le printemps de ma vie, et je n'ai pas cessé de voir ces groupes de la scolastique qui essayent de remédier à des paroles défectueuses, et qui essayent de renforcer des ailes brisées, et j'ai rien obtenu. Et à la fin, je me suis présenté la parole de celui qui a dit ce poème. Chacun essaye de donner un remède à quelqu'un dont la parole est défectueuse. Qui peut nous donner un valide qui n'a pas de maladie? Yaqulu. يقول رحمه الله فرجعت إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت لا بد أن يكون فيها براهين وردود على مخالف براهين وردود على مخالف الإسلام وتعليم وإرشاد لمن اتبع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فتدبرت ذلك فوجدت الشفاء كله دقه وجله، وانشرح صدري وصلح أمري وزال ما كنت به مبتلا وأنشدت متمتلا، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. إيه إلدي رحمة الله عليه توجوه من الوزير. Et je suis revenu vers le livre d'Allah et la sunna du messager. Et je me suis dit obligatoire qu'ils doivent contenir des arguments réfutant ceux qui sont en divergence avec l'islam. Ils doivent contenir l'enseignement et l'orientation pour celui qui suit le messager alayhi salatu wassalam. Et je les ai médités et j'ai trouvé tous les remèdes. Et ma poitrine s'est apaisée et ma situation s'est réformés dans le bien, et les choses avec lesquelles j'étais éprouvé ont été dissipées et ont volé, et j'ai dit ce poème. Il ajoutait dans son bâton et son intention s'est stabilisée comme le voyageur et réjouit d'être de retour parmi les siens. واستمع كذلك لاعتراف العلامة الشوكاني حين يقول واعلم أني عند الاشتغال بعلم الكلام وممارسة تلك المذاهب والنحل لم أزدد بها إلا حيرة ولا استفدت منها إلا العلم بأن تلك المقالات خزعبلات فقلت إداك مشيرا إلى ما استفدته من هذا العلم وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر هو الوقف ما بين الطريقين حيرة، فما علم من لم يلقى غير التحير على أنني قد خضت منه غماره وما قنعت نفسي بدون التبحر. Écoute maintenant ce que dit Shawkani rahimahullah dans son livre Adab Talab wa Muntaha al-Arab. Écoute, sache quand je me suis occupé quand je me suis occupé de la scolastique et que j'ai étudié les voies et les tendances, ceci n'a fait qu'accroître mon doute et mon hésitation. J'ai retenu de cette expérience que tout ça, ce n'est que des sottises. Et j'ai dit à cette époque de ce que j'ai retenu de la scolastique ce poème. Dans le sens nous dit ceci, et le but de ce que j'ai compilé dans mes recherches et mes réflexions après de longues méditations, c'est de stationner hésitant et douteux entre deux chemins. C'est quoi la science de celui qui n'a obtenu que le doute et l'hésitation, alors que j'ai plongé dans les profondeurs de la scolastique. يقول رحمه الله وعن هذا رميت بتلك القواعد من حالقي وطرحتها خلف الحائط ورجعت إلى الطريقة المربوطة بأدلة الكتاب والسنة المعمودة بالأعمدة التي على أوتق ما يعتمد عليه عباد الله وهم الصحابة ومن جاء بعدهم من علماء الأئمة ومن جاء بعدهم من علماء الأمة المقتدين بهم السالكين مسالكهم فطاحت الحيرة وانجابت ظلمة العماية وانقشعت وانكشفت ستور الغواية ولله الحمد. Il dit رحمه الله après cela j'ai jeté les règles de la scolastique. Qu'en fait celui qui se rase de ses cheveux? Il les jette. Et je les ai jetés derrière le mur. Et je suis revenu vers la voie des preuves du livre et de la sunna, basée sur des fondations solides, sur lesquelles s'appuient les soumis. Et ces fondations solides, sont les opinions et les compréhensions des compagnons et de ceux qui sont venus après eux parmi les savants de la communauté et qui les ont pris comme modèles et qui ont emprunté leur chemin. Et l'hésitation à ce moment-là et le doute se sont envolés et les ténèbres de l'aveuglement se sont dissipées et les voiles de l'égarement se sont levées et la louange est à Allah. Fin de citation. يقول الشيخ خالد حفظه الله تعالى وأختم بنصيحة للحافظ الذهبي في هذا الباب وبيان سبيل السلامة من الحيرة والضلال. يقول رحمه الله إن من البلاء أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وتقدم عقول الفلاسفة ويعزل منقول أتباع الرسل ويمارى في القرآن ويتبرم بالسنن والآثار وتقع في الحيرة فالفرار قبل حلول الدمار. وإياك ومضلات الأهواء ومجارات العقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. تذكرة الحفاظ الإمام الذهبي رحمه الله. الشيخ خالد ديديغ et je conclue ce passage par un conseil du Hafiz Dhahabi dans تذكرة الحفاظ concernant ce sujet et l'éclaircissement sur la voie pour être en sécurité et d'être préservé et pour être préservé du doute et de l'hésitation. Al-Hafiz Dhahabi rahimahullah a dit dans son livre Tadkirat al-Huffaz, fait partie des calamités si que tu reconnais ce que tu rejetais auparavant et que tu rejettes ce que tu reconnaissais auparavant et que tu sois et que soient mis en avant les raisons des philosophes, et que soient mis de côté ce qui a été rapporté des suiveurs, des messagers, alayhi salatu salam, et qu'on polémique sur le Coran, et qu'on détourne les preuves et les sunnas, de leur vrai sens et que tu tombes dans le doute. Sauve-toi avant la destruction. Attention aux égarements de l'innovation et à la conformité avec les raisons. Et celui qui se cramponne au livre d'Allah et à la sunna, il a été guidé vers la voie droite et orienté vers la voie droite. يقول الشيخ خالد وعلى العبد أن يكثر من الدعاء بالسلامة من الحور بعد الكور والاستعادة من الفتن والحيرة وسؤال الله تعالى الثبات كما في حديث شداد بن أوس أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم. إيه شيخ خالد بن دير et le soumis à Allah doit constamment implorer Allah et insister pour qu'Allah le protège. Il doit constamment insister à demander à Allah subhanahu wa ta'ala la constance dans le bien. Et d'insister et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger des séditions et des doutes et des perturbateurs. Il doit demander la constance, comme dans le hadith rapporté par Nasa'i, le hadith de Shaddad ibn Aws, qui a dit que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, disait dans sa prière, « Ô Allah, je te demande la constance dans la religion et la ferme, résolution dans le bien. Et je te demande d'être reconnaissant de tes grâces et de bien t'adorer. Et je te demande un cœur pur, c'est-à-dire un cœur soumis à Allah, un cœur dans lequel il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'ambiguïté. Et je te demande une langue véridique. Et je te demande du bien que tu connais. Et je demande ta protection contre le mal que tu connais. Et je te demande ton pardon pour ce que tu sais. » Et si se termine ce passage, hein, ce chapitre dans cet agréable livre, ce chapitre intitulé « Le blâme de la versatilité et de l'inconstance dans la religion », qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de la versatilité. Et comme je disais au début, frère, on Allah subhanahu wa ta'ala et sœur, on Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se préserver. Il faut se préserver. Et quand on connaît la vérité, on s'y cramponne. On ne va pas chercher à droite et à gauche, parce que le fait de chercher à droite et à gauche, on arrive à quoi? À être perturbé. Et je vous rappelle cette parole de Cheikh Obeid, qui a dit, quand je lui posais la question sur une personne qui s'assoit avec les salafis, qui va avec les innovateurs, il a dit, celui-là, il a mis sa tête entre deux stations de radio. Qu'est-ce qui va lui arriver? À écouter une radio, une station à droite et une station à gauche, il va être perturbé. Ben la même chose, tu te cramponnes et tu as pris la vie dans cette fitna de Cheikh Rabi et de Cheikh Obeid, etc. Tu ne dois pas aller voir chez le Moussafiqa, parce que tu vas être perturbé, ça c'est sûr. Et il est obligatoire d'avoir ce que Cheikh Abdallah a intitulé lors d'une de ses conférences, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite de la refaire, qui s'appelle At-tamayyuz ou At-tamayyuz, qui s'appelle la distinction et la séparation. Obligé que tu te distingues à l'islam de par ta voix, de par tes positions, et obligé qu'il y ait la séparation entre toi et ceux qui sont en divergence. Obligatoire. On ne peut pas réunir entre les contradictions. Abadan. Fais Allah al-Azim. Rabb al-Arsh al-Azim. Bi asma'i al-Husna. Wa sifati al-Ula. An yaqina wa iyaakum al-fitan. Shar al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Saluhu subhanahu wa ta'ala an yufaqihna wa iyaakum fi dini. Saluhu subhanahu wa ta'ala an jhanna wa iyaakum min al-ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم أحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.